Toujours en Corée, l'Institut central de l'industrie minière près l'Académie des sciences nationales vient de mettre au point des produits fonctionnels de protection environnementale partant de la tourmaline. Épurée par le clarifiant tourmalinite, l'eau courante ou les eaux naturelles favorisent la santé et préviennent le vieillissement de l'homme. La peinture rend propre et frais l'environnement de vie. Le papier peint de vinyle tapissé dans les maisons d'habitation de l'avenue Lumion assure aux habitants un environnement favorable à la santé.